بسم الله الرحمن الرحيم. الدعوة السلفية تقدم لكم فتح العلامي في دراسة أحاديث بلوغ المرام. هذه كومنتي بار أبو تيمية خليل المتنكي حفظه الله تعالى. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، طيب donc aujourd'hui on va prendre la deuxième partie du ders de Sifat al-Ghusl, la description du ghusl du prophète Mohammed صلى الله عليه وسلم qu'on a pris dans le hadith de Aïcha et de Maimouna. Donc on continue dans les masail التي تتعلق بهذين الحديثين. Tous les sujets, les questions relatives à ces deux hadiths. Donc après il dit حفظه الله تعالى مسألة هل يجب إيصال الماء إلى أصول اللحية. Est-ce qu'il est obligatoire de faire parvenir l'eau à la base de la barbe. Donc il rapporte une part de l'Hafiz dans le Fath qui dit que le mazhab de Shafi'i c'est que c'est obligatoire que l'eau rentre à l'intérieur de la barbe même si elle est épaisse mais fournie lors de la janaba mais pas dans l'eau. On avait pris ça déjà dans l'eau, que dans l'eau c'est pas obligatoire mais dans le ghusl c'était plus strict déjà. Et c'est fait rapporter également de Malik avec deux versions. Et également il y a deux versions dans les chez les Hanabila, mais bon, ça revient hein, que le Jumhur il voit que c'est obligatoire. Et Shir au final il dit pareil. Il dit que ce qui apparaît c'est que l'obligatoire que l'eau allez, touche la peau qui est en dessous de la barbe. Maintenant est-ce que c'est toute la peau qui est en dessous de la barbe ou une partie ou quoi, ça il n'a pas précisé. Parce qu'il y a des gens c'est vraiment dur pour eux de faire entrer l'eau là. Genre, c'est des gens qui ont vraiment une grande une bonne barbe bien fournie, tu vois, et bien épaisse, c'est difficile. C'est difficile. Et tu ne peux pas t'assurer que l'eau est rentrée partout en même temps. T'as rien pour pouvoir t'en assurer. En tout cas, c'est l'avis que Chéri voit. Non. Après Dimas Allah. Mata yursalu ou yarsilu kademei. À quel moment est-ce qu'il lève ses deux pieds? Est-ce qu'il le fait quand il a fini l'eau d'eau? Ou est-ce qu'il le fait, il le repousse, une fois qu'il a fini le rousse, il l'avait depuis en dernier. Donc là, le shir, il a fait une erreur, là, dans un wahm, parce qu'il dit que dans le hadith de Aïcha, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a lavé ses pieds avec l'eau d'eau. Alors dans le hadith de Aïcha, il a lavé ses pieds en dernier, après le rousse. Il a fait l'eau d'eau, après il s'est lavé le corps, et après il a lavé les pieds. Donc là, il y a une erreur. Thum afadha ala sa'ir jasadihi, thum ghassala rijlay. Ensuite, il a versé de l'eau sur tout le reste de son corps, et ensuite, il a lavé ses deux pieds. Moi, t'as pas qu'on a allé. Donc là, il a dû faire une erreur, le chien, parce qu'il a dit que dans le hadith de Aïcha, il a lavé ses pieds avec l'eau d'eau. C'est pas ça qui apparaît. Et dans une autre version, il dit dans le hadith de Maïmouna, justement, qu'il l'a fait après. Et là, dans le hadith de Maïmouna qu'on a, ça n'a pas été cité. Peut-être qu'il a confondu entre le hadith, comme ça, ça arrive. En tout cas, quoi qu'il en soit, le jugement ne change pas. Que ce soit le hadith de Aïcha ou Maïmouna, dans un, il est venu qu'il a fait avant, et dans l'autre, il est venu que c'est après. Mais ça se trouve là, dans le livre, c'est pas cité, mais dans un autre hadith, si tu le vois. Il dit qu'en fait, la chose, c'est que les deux te sont permis. Tu peux faire l'eau d'eau, laver tes pieds, ensuite faire ton roussel, laver le reste de ton corps. Ou tu peux également faire ton roussel, laisser les pieds, laver ton corps et, après tu finis avec les pieds. Et après, c'est à une parole que le jumeau lui voit qu'il est préférable de faire en dernier. Faire les pieds en dernier. Et probablement se basant sur le hadith de Aïcha. Après, c'était une faïda de Nawawi, justement par rapport au lore dans le hadith de Maïmouna, quand il dit que Fadaraba biha el ard, une fois qu'il a rincé son pénis avec sa main gauche, même qu'il a frotté la terre avec, avec sa main gauche. Et Nawawi, il a dit par rapport à ça, c'est quoi? C'est que la sunna, c'est que celui qui se nettoie le pénis, si jamais il reste des choses sur sa main, il reste par exemple du sperme ou du mazi ou quoi, après avoir lavé sur sa main, il frotte le sol avec, pour le nettoyer. Quand même, ça c'est la sunna. Et ensuite, il la lave. Et la preuve, c'est le hadith de Maïmouna. La preuve, c'est le hadith de Maïmouna. Mas'ala. Hukm at-tanshifi lil-arza'i ba'd al-wudu wal-ghusl. Le jugement quant au fait de se sécher les membres, de se suyer les membres, après avoir fait le ghusl ou l'wudu. Donc il dit qu'il n'y a rien qui soit venu affirmant qu'il l'ait fait ou qu'il ne l'ait pas fait. On a juste le hadith de Maïmouna qui l'a refusé, le mindil, la serviette. À la base, serviette, aujourd'hui, on dirait minshafa. Et mindil, souvent, les gens l'emploient comme étant un mouchoir. À la base, mindil, c'est une chose qui est en tissu. Et ça peut être un mouchoir. Même, ça peut être un mouchoir. C'est une chose de tissu dans laquelle tu t'essuies, ou tu peux te moucher, ou tu peux... Voilà. Donc, certains ulama voient que cela est makrouh, de s'essuyer. Et ils ont pris quoi comme preuve? Que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé la serviette. Naam. Et d'autres disent que cela est permis. Pourquoi? Car le fait que Maïmouna l'ait apporté prouve qu'il y a une origine. Quand même, le fait que Maïmouna a apporté la serviette, sauf qu'il l'a déjà fait auparavant. Et cette fois-ci, il n'a pas voulu. Et également, la chose qui nous démontre la permission, c'est que فَجَعَلَا يَنْقُضُ الْمَاءَ بِيَدِي. Il s'est mis à en faire partir l'eau avec sa main. Donc l'eau, il l'a fait partir. Que ce soit une serviette ou avec la main, il l'a fait partir l'eau. Peut-être que ce jour-là, il y a plusieurs raisons qui font qu'il n'a pas voulu le faire avec la serviette. Fahimt. Quoi qu'il en soit, ça arrive au même, c'est qu'il s'est séché avec sa main. Peut-être qu'il faisait chaud au moment où il a fait le hadith, parce qu'il était rapporté au moment où il faisait très chaud, avec la chaleur, il fait l'eau elle sèche vite, tu vois. Allah alam. En tout cas, la base apparente, c'est que cela est permis. Tu as le droit de le faire avec la main ou avec la serviette et tu as le droit de te sécher. Même des fois, il faut que tu te sèches. Si jamais, par exemple, il fait froid, tu as fait l'eau, le rousse, tu n'es pas séché, arrête, tu peux tomber malade. Même tu peux tomber malade. Et parmi ceux qui voient la permission d'utiliser justement la serviette pour s'essuyer, il y a Othman, il y a Anas ibn Malik, il y a Hussein ibn Ali et d'autres. Et donc, ça, c'est la parole choisie par Al-Shir. Shir ibn Hizam, il voit que cela est permis. Quand même, mas'ala. إذا أحدث المغتسل أثناء غسله. Si jamais il perd l'eau au moment où il est en train de faire son ghusl. En cours de ghusl. Quand même. Donc, la parole de Ibn Qudama qui est rapportée, c'est tout simplement. Il continue, ça nuit pas l'eau à son rousse, il continue son rousse, et il refait l'eau après. C'est tout. Par exemple, je sais pas, il fait son rousse, il fait l'eau et en même temps il urine, mathalan. Il poursuit l'eau, son rousse, et bien évidemment, en se le nettoyant, ça va faire estinger tout seul. En versant l'eau sur lui, ça va toucher le pénis, ça va le laver. Et une fois qu'il a fini, il refait l'eau. Une fois qu'il a fini, il refait l'eau. Après, il a dit, notre masala qu'on a déjà évoqué, il a dit, si jamais deux causes sont liées, sont réunies pour le roussel. Deux causes similaires. Par exemple, on avait dit quoi la dernière fois dans le roussel Jumu'a et Janaba, mathalan. On a dit quoi? Qui pouvait lier les deux ensemble? Inam al-amal bin niyya. Là, il cite la même parole, c'est une parole de Ibn Qudama, une parole de Shir al-Faymin, et tout revient au même. Que cela est permis. Quand même, cela est permis. Et également, il cite une parole que lorsque la personne fait le rousse, elle fait bien attention que l'eau parvienne partout. Tant dans les oreilles, le nombril, les aisselles, quand même, les parties qui sont un petit peu à l'abri de l'eau, que l'eau parvienne partout. Il faut bien faire attention à ça et être soigné lors de l'eau, du rousse plutôt. Après, il finit par une faïda. Il dit qu'il n'est pas obligatoire de rentrer l'eau dans les yeux. et ce n'est même pas mustahab. Comme cela, on l'a dit dans l'eau. Il fut rapporté qu'Ibn Omar le faisait. Ibn Omar entrait l'eau dans ses yeux. Et cela, c'était un ijtihad de lui. Et que beaucoup de savants n'ont pas été d'accord avec lui. Car il n'y a pas de dalil par rapport à ça. Et même certains de ceux qu'Ibn Omar, les sahaba, les nombreux sahaba qui sont devenus aveugles. Certains ont dit c'est à cause du fait qu'ils se sont lavés les yeux. Et d'autres disent non, il n'y a pas de dalil par rapport à ça. Pas de dalil par rapport à ça, on ne peut pas dire ça. Il y a qui aussi, il y a Kab Malik qui est devenu aveugle, il y a Anas qui est devenu aveugle, il y a plusieurs qui sont devenus aveugles. Donc ça c'était ce qui concernait la suite du Ders d'hier. Enfin même, donc voilà, donc là on a pris le Sifat Rusul Nabi sallallahu alayhi wa sallam, et min ghadin inchallah sanawasil. Ma foum el mas'ala. Donc c'est pas dur, hein. C'est pas dur. Celui qui a pris le hadith de Aïcha, c'est très simple à faire. Non. Fa ila huna, walhamdulillahi rabbil alamin.